Les éditions de l'avenir présentent Pépère au Comic-Con, un épisode hors série du PC Show avec Paul Courtemèche. Testing 1-2, ah ok, il y a une petite lumière rouge. Bon ben, mon jeune, me v'là à ton espèce de Comic-Con de Montréal. Tu sais, quand tu m'avais dit Comic-Con, je pensais que c'était un festival du haut comique pis con, là. Mais quand t'arrivais là, c'est bien plus comme un genre de salon d'identité, mais plein comme de petits jeunes, là, à triquer en bonhomme de journal. En tout cas, je suis arrivé en tard, là, parce que le palais des congrès a bien changé depuis ma dernière visite, là, tu veux dire. Fait que ton premier monsieur, là, Brent Spiner, il est manqué. Pis là, ta passe VIP que tu m'as donné, là, qui donne accès au salon des invités, là, ben, ils l'ont même pas fait, le salon des invités. Fait que là, j'ai été pogné pour aller marcher une route de pizza en bas, là. France, ma mère, elle a pas vu que je m'en rends ça. En tout cas, c'est pas bon pour ma santé, mais je l'ai fait pour toi, mon jeune. Fait que là, c'est ça, je suis arrivé, j'ai manqué ta première conférence. Monsieur Brent Spiner, là, ah, tu sais quoi, il y a du monde qui riait, ça devait être drôle, c'est tout en anglais. Fait que, c'est ça. Anyway, j'ai quand même été à deuxième, là, de vendredi soir, quand tu m'avais dit que tu voulais voir, là, monsieur Adam Baldwin, là. Lui, ben, c'était en anglais aussi, ben, j'ai pas tout compris, là, mais je n'ai compris des bouts. Il a parlé en français au début, puis après ça, il a dit qu'il a mangé de la poutine. C'était pas facile à suivre, mon jeune. Après ça, je sais pas ce que tu m'avais dit que c'était supposé être, là. Ben, lui, il a juste comme dit à tout le monde, ben, coudo, avez-vous des questions, moi, vous répondre. Fait que là, il y a plein de monde qui se sont levés de bout, ils sont tous allés à côté d'un petit micro, puis ils ont commencé à parler en anglais. Fait que, là, écoute, moi, j'aurais bien enregistré, mais c'est... En tout cas, ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de filmer, puis on n'avait pas le droit de rien faire, fait que... je te raconte ça du mieux que je me souviens, là. Il y a bien du monde qui ont parlé de ses rôles à la TV, ça a l'air c'est un acteur, ce gars-là. On n'a pas trop ça, là, c'est des affaires de science-fiction, c'est pour toi, là. Fait que, là, il a raconté qu'il travaillait sur une série TV qui s'appelle Chuck. Puis ça a fait qu'il y a un monsieur qui s'est levé puis qui a donné ses félicitations parce que quand sa femme, elle écoute ça, elle aime bien après ça. En tout cas, ça a l'air que ça tricote pas mal après, tu sais, je veux dire. Fait que, M. Baldwin, il a dit qu'il donnerait des trucs plus tard sur comment séduire sa femme avec la voix de son personnage. J'ai pas trop compris, mais... Je veux dire, si ça permet de mettre de la mine dans le crayon, c'est peut-être un rang d'affaires, faudra que je commence à regarder la TV, hein, ma mère, elle aime bien ça. Anyway, après ça, ils ont parlé d'un paquet d'autres affaires, ça a l'air, ce gars-là, il a fait une émission de TV qui s'appelle Firefly, moi, je pensais que c'était une flotte de horreur, fait que j'ai écouté, il me disait, coudon, ils vont enfin parler de quelque chose que je comprends. Ben non, ça a l'air, c'était une affaire de mettre une tuque dedans avec des fusils, pis j'ai pas trop compris de quoi qu'il parlait. Fait que là, après ça, ben, il y avait plus grand-chose dans la liste d'invités pis le vendredi, mon jeune. Fait que j'ai fait le tour de la salle de vente qu'il appelle, là. Moi, tu sais, ben franchement, ça ressemble à un salon de l'auto, cette affaire-là. Sauf que, en tout cas, on vend pas des autos, là, c'est tous des livres, des bandes dessinées, je pensais pas qu'il y avait autant de bandes dessinées qui existaient que ça. C'était de quoi avoir. Il y avait un petit monsieur qui vendait des dés. Et moi, écoute, quand je joue aux dés, c'est pour jouer au bridge puis des affaires de même. Ma mère, elle connaît le nom des jeux. Là, moi, je fais jouer le brasser les dés puis j'écoute ce qu'elle me dit. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste des dés à 6 faces. Il y en a, ça a l'air, c'est des dés à 4 faces. Ça ressemble à une pyramide. Il y en a d'autres, il y a jusqu'à 20 faces. En tout cas, ça m'a impressionné, fait que le petit monsieur, il avait un gros casseau, il venait acheter pour 15$, j'ai tout ça dans mes bagages. Tu vas voir, en tout cas, je sais pas si t'as de quoi faire avec ça, mais il te gardera, il les a mis sur ton compte de dépenses, avec la pointe de pizza. Après ça, je suis allé un petit peu plus loin. Il y a du monde qui vendait du linge. C'est tout du linge ou des t-shirts. Avec des affaires que je connais pas trop dessus, comme des dessins là, de... Bon, j'imagine de la science-fiction. Il y a des vaisseaux spatiaux, des faces de robots. Il y avait le gros bonhomme noir là, avec le grand casque. Là, il respire comme s'il fait de la plongée sous-marine. Là. Il était là, lui. Il avait amené 4-5 de ses petits bonhommes blancs avec lui. Là. Hey, il s'est fait un beau défilé en plein, là. Puis je savais pas que c'était vrai, les Ghostbusters. Moi, il y avait du monde là-bas. Je pensais que c'était un film, mais... ils ont de l'air à prendre ça au sérieux en tabardouche. Ils étaient avec leur équipement, là, puis ils chassaient des fantômes, puis ils se faisaient prendre en photo. J'ai eu peur, mon hun. J'ai viré de bord assez vite. Puis c'était juste vendredi soir. Et après ça, le vendredi... Bon, on fait encore le tour de la salle de... Hey, c'était gros, cette salle de vente-là. Ça n'a pas de sens, mon hun. Je dois avoir fini la semelle de mes souliers avant en marchant là-dedans. Ça n'avait pas de sens. Anyway, il y avait deux, trois autres places de bain de fun. Il y a des sculptures faites avec des briques Lego. Moi, dans mon temps, les briques Lego, ça n'existait pas. Mais j'ai vu après ça que ça faisait des petites maisons, des affaires de même, puis il y a des enfants, j'ai vu qu'ils ont bien du fun avec ça. Mais moi, c'est une affaire, mon hun. Des Lego, ça fait pas mal plus que des petites maisons en briques puis des autos qui ressemblent à des boîtes. Il avait fait un gros monstre avec ça. C'était impressionnant à regarder. Après ça, dans l'autre partie de la salle de conférence, pas de la salle de conférence, excuse-moi, mon jeune, je veux dire la salle de vente, il y avait... ça a l'air que c'est une affaire que le monde s'habille de même. Ils appellent ça du steampunk. Moi, je connais pas ça. Ça a l'air plus du monde habillé à victorienne, mais avec des morceaux de métal puis des bouts de lunettes qui ont pas rapport sur les lunettes. En tout cas, ça avait de l'air spécial. C'était bien beau, là. C'était bien beau. Ma mère aurait bien aimé ça. Les bijoux sont beaux en passe. Ouais, puis moi, te dire, il y avait des petites madames quand même assez le fun à regarder. je suis pas mal amusé, là. Je pense que ma mère n'était pas avec moi. Il aurait pas eu le droit de regarder à gauche et à droite. Mais en tout cas, ça valait le coup. Et un petit peu plus loin, ben, de ce que j'ai compris, c'est la place aussi que les invités qui font des conférences, quand ils sont pas en conférence, ils vont là, puis ils signent des papiers, des autographes, puis ils prennent des photos avec le monde. Bon, écoute, moi, ça m'a pas trop impressionné, mais je me suis renseigné pareil, vu que ta passe VIP me permettait de passer en avant tout le monde. Sauf que, moi, de dire une affaire, au prix que les autographes qui appellent, là, puis que les séances de photos sont... Moi, personnellement, je me sentais bien mal de prendre ton compte de dépenses pour le loader avec ça. Fait que je l'en ai pas ramassé cette année. Je te dirais s'il fallait, mais Boswell de Boswell. C'est de l'argent, là. Moi, je me sentais bien mal de mettre ça dessus. J'en ai pas pris. En tout cas, ça a été ça pour la journée de vendredi. J'ai fait le tour pas mal. Il n'y a pas grand-chose. Je suis monté au 5e étage du Palais des Congrès. Il y avait des films qui étaient projetés là. Mais là, mon jeune... Et on est rendu loin des films que moi j'aime. C'est des films qui appellent d'horreur. Ben, des films d'horreur, là, moi, là, il n'y avait pas de bruit, puis c'est supposé être en noir et blanc. Là, quand c'est rendu en couleur, puis qu'il y a des affaires rouges qui revolent partout, moi, j'aime pas ça, je suis parti. Mais, bon, il y avait ben du monde qui allait voir ça, fait faut croire qu'il y en a qui aiment ça, s'imaginer des affaires macabres. Moi, j'ai pas trouvé ça bien le fun. Anyway, j'ai fait le tour de ça, puis je suis reparti parce que je me suis dit, bon, ben, il n'y a plus rien à faire ici à soir. Puis ça finissait à 9h, anyway, fait que t'as dû me coucher. Come on, I'm baby. Bon, après ça, la journée du samedi. Écoute, mon jeune, j'ai eu bien de la misère à choisir là-dedans. Tu m'avais donné bien des conférences si tu voulais que j'aille, mais il y en avait tellement d'affaires en même temps que d'autres affaires qu'à un moment donné, j'ai été au plus facile, je me suis assis dans une salle de conférence, puis je suis resté là. Il y avait assez d'affaires qui passaient dans cette salle-là, et oui, que ça valait pas la peine de me déplacer trop tôt. Fait que j'ai commencé à 11h dans la conférence d'un monsieur qui s'appelle Johnny Young Bush. Moi, je le connais pas, mais quand je suis rentré là, il chantait avec sa guitare en avant. Ça a l'air que c'est un auteur-compositeur en plus d'être un acteur. Il chantait en anglais, j'ai pas trop compris, mais de ce que je comprenais, il improvisait à propos des gens qui rentraient dans la salle de conférence. Il y a même un petit couple qui est arrivé avec un bébé dans un carrosse, puis il a commencé à chanter une chanson gaga-gougou, au petit bébé. J'imagine que c'était quelque chose que le bébé a compris, mais en tout cas, le monde, ils ont bien ri. Moi, je me suis assis dans le fond, je me suis dit, au pire, si je dérange, on va pouvoir sortir. Ben, c'est ça, fait que... Ils ont parlé encore d'un paquet d'affaires que je comprends pas, comme des dessins animés japonais. Je savais pas sûr que les japonais faisaient des dessins animés, mon hun. Depuis quand ils font de quoi qu'ils se tiennent pas, eux autres, d'habitude, c'est eux de la cochonnerie, ce qui sort du Japon. En tout cas, pis bon, ça a l'air que ce gars-là, c'est un acteur qui fait des voix, fait que généralement, on le voit plus, on entend juste sa voix. Moi, j'écoute pas grand-chose en anglais, fait que je l'ai pas vraiment entendu. Après ça, en tout cas, il a continué à chanter parce qu'il a répondu à toutes les questions en chantant. Ils ont joué de la musique parce qu'il y avait un genre de drummer électronique avec lui. En tout cas, les gars, moi, il y avait plein de morceaux de métal dans la face, je ne pouvais pas trouver ça bien beau. Je ne veux pas trop essayer de le regarder, là, c'est pas mon genre. Mais en tout cas, ça a fini que le petit bébé qui était rentré avec ses deux parents, il a fait un son pas trop fort. Moi, ça m'a pas dérangé. Mais ça a l'air que ça a dérangé le gars qui s'est fait du son dans la salle, fait qu'il lui a dit d'aller dans le fond. Moi, j'étais déjà dans le fond. Mais eux autres, ils ont dit, bon, coudonc, on va carrément s'en aller. Fait que, bon, je me suis dit, ça doit être que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Fait que je suis sorti boire avec. Mais bon, de ce que j'ai compris, il y avait encore 15 minutes à l'espèce de conférence. Et il a continué à hanter le gars. Moi, j'étais dehors, puis il a commencé à marcher. Après ça, je m'avais pas mal dit qu'il y avait rien d'autre d'intéressant avant la conférence de William Shatner, le capitaine Kirk. Et ça, c'était à 2h30. Comme il était rendu quasiment midi, je suis descendu en bas aller manger un autre petit bout de pizza. Elle était bonne. J'ai mangé de la pizza 2 jours d'affilée. C'est pas bien bon pour mon estomac, ça, mon hun. En tout cas, la prochaine fois, ça serait peut-être bon, je pense, à me faire un lunch. Ou que ma mère vienne avec moi, comme ça, elle pourra me faire cuire quelque chose en salle de bain ou quelque chose comme ça. Là. Alors, ma mère est bien bonne pour la cuisine en camping. Fait qu'anyway, j'ai pas mal passé à travers tout ce qu'il y avait dans l'horaire, mais moi, te dire une affaire, il y a eu des conférences des gens que je connais pas, ça m'intéressait pas. Toi, tu m'avais pas dit qu'il fallait que j'y aille, fait que je suis pas allé. Donc, j'ai pas mal juste marché dans la salle de vente, puis regardé tous les jeunes costumés, là, c'était bien beau. Il y en avait, là, c'était déguisé en plein d'affaires, des bonhommes de films, des bonhommes de dessins animés, des super-héros, ça te l'air, ça s'appelle, là. En tout cas, il y en avait de toutes les couleurs, il y en avait, c'était quasiment indécent même, en tout cas. Je pense que ma mère n'était pas là parce que, d'après moi, elle aurait perdu une couple d'heures. Il y a certains de ces gars-là qui sont quand même assez bâtis, hein? Je l'aurais pas blâmé, moi je serais parti avec une des Wonder Woman. Anyway, fait que, c'est ça, à 2h30, je suis allé dans la conférence de William Shatner. William Shatner, c'est le capitaine Kirk que tu m'as dit. Ça a l'air qu'il a fait d'autres choses, puis moi je ne savais pas. Il nous a raconté son petit voyage parce que ça a l'air qu'il était à Toronto la veille. Puis là, je peux te dire, j'ai fait un gros effort parce que lui aussi il parle juste en anglais. Fait que j'ai écouté fort là. Et j'ai compris qu'il venait de Toronto la veille. Puis il avait roulé sur l'autoroute. Je sais pas là, mais ça a l'air qu'il n'a pas vu grand chose parce que lui. Dans le temps, quand il faisait Montréal-Toronto, parce que ça a l'air qu'il vient de Montréal, le gars-là, il prenait l'autoroute 2. Là, il voyait plein d'affaires, puis il passait dans un village, puis c'était bien fun. Mais là, il a pris la 404, ça se peut, je ne sais plus, là. Moi, je veux jamais aller là. Mais ça a l'air que c'est plate. Il n'y a rien à voir, puis il a eu de la misère à se trouver du gaz. Peut-être que c'est juste parce qu'il ne s'attendait pas à payer cher de même, là, mais C'est vrai que le gaz rendu au Québec, il est cher. Fait qu'il nous a rasé de ça. Après ça, il nous a rasé qu'il a fait une petite balade en calèche avec un monsieur qui s'appelle Patrick Stewart. L'autre monsieur qui voulait jouer, là. En tout cas, les deux ensemble, ils ont fait une promenade en calèche la veille. Puis ils ont rasé avec tout le monde des rues. Puis ça a l'air qu'il y a personne qui les a reconnus. Fait qu'ils sont bien contents de venir à Montréal. C'est des vacances pour eux autres. Après ça, il a commencé à prendre des questions comme les autres. Fait que ça a fait la même affaire, sauf que... Contrairement à Adam Baldwin, il devait avoir du monde qui voulait jaser à ce gars-là. Parce que, moi, te dire une affaire, quasiment tout le monde qui était assis s'est levé de bout pour aller faire la file. Puis la salle était comble, là. Moi, j'étais un VIP, j'étais assis en avant. Mais j'en ai vu, là, puis je voyais les têtes à l'autre bout, là. On avait de la misère à savoir combien d'yeux qu'il y avait dans la face. Fait que c'est ça, il a commencé à répondre des questions. Ça a l'air que lui, il a comme mon cousin Gérard. Lui aussi, il a ça, une espèce d'acouphène qui fait tout le temps un petit pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Fait que la seule affaire que tu peux faire, c'est qu'ils vont te mettre une espèce d'implant dans l'oreille qui fait tout le temps le même son. Fait que tu t'habitues à l'entendre, puis à un moment donné, ça fait comme s'il était plus là. C'est comme entendre le son des moteurs d'auto en ville, des affaires de même. Oui, ça spécial, c'est dommage pour lui. T'sais, c'est pas le fun d'être pogné avec ça. Mais d'un autre côté, il disait qu'on s'y habitue, puis tant que le mode il nous en parle pas, on s'en rend pas compte. Après moi, le gars qui a posé la question, il a fait s'en rendre compte parce qu'il était leur viré assez vite après quand le gars a essayé d'enchaîner avec une autre question. Après ça, ils ont parlé un petit peu de ses rôles. Il a fait bien d'autres émissions de TV. Puis de ce que j'ai compris, il aime bien sûr répondre aux questions qui n'ont pas rapport à Star Trek. Quoique, il répond pour Star Trek, là, mais il aime bien mieux parler de ce qu'il a fait sur Twilight Zone, là. Puis, T.J. Hooker, puis un paquet d'autres affaires, là, en tout cas. Ça allait, il a fait deux films d'horreur avec des araignées, puis il en avait collé une dans la face. Puis, il fallait qu'il tombe en pleine face, puis que l'araignée, elle tombe. Sauf qu'elle voulait pas tomber, elle. Puis, ça a l'air que les pattes de ces araignées-là, je pense que c'est des tarentules. Il a dit que c'est le poil sur ses pattes de ça, c'est ça qui fait la poule à gratter. Fait qu'il avait ça dans la face pendant 4-5 crises, puis à un moment donné, il s'est tanné. Puis il l'a juste collé avec un bout de scotch tape. Fait que quand il tombait en pleine face, puis il faisait un clin d'œil, l'araignée elle sautait parce qu'elle avait peur de lui. Fait que là, ça avait marché, puis ils ont réussi à faire la scène de même. Mais il a passé une semaine après à se gratter à la face à cause qu'il y avait du poil à gratter d'araignée dans la face. En tout cas, ça a été bien drôle comme anecdote, puis ça s'est fini quand même assez vite, sauf que... De ce que j'ai compris, il a défoncé son panneau. Fait qu'il est tombé en plein dans le milieu d'un autre que tu voulais craindre, là, monsieur Kevin Sorbo. Je sais pas trop, lui, là, il a joué Hercule, un paquet, en tout cas. Il y a bien du monde qui disait que c'était has-been, pis il y a personne qui est allé. Probablement parce que tout le monde est encore dans le panneau, là, William Shatner. En tout cas, moi, dire une affaire, moi, je suis pas allé parce que Shatner, il était comique. Je l'ai écouté, pis je l'ai compris. C'est bien le fun. Après ça, tu m'avais demandé si j'avais le temps d'aller faire un tour à la mascarade pour voir tous les défilés de costumes de tout le monde qui était habillé en plein de bonhommes de science-fiction, puis de dessins animés, puis de bandes dessinées. Mon jeune, je suis pas allé. Premièrement, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Ça faisait un petit bout de me retenait, puis la pizza, ben, il m'a donné faut que ça sorte. Deuxièmement, ben... C'est parce que 15 minutes après, c'était l'autre panel que tu voulais voir, là, la conférence sur le nouveau 52 de DC, les bandes dessinées de DC Comics. Ben, m'a dit une affaire, mon jeune, quand je suis arrivé là, la salle était comble, fait que j'ai été obligé de me tenir debout dans le fond. Puis, il parlait pas vraiment des bandes dessinées, il parlait de leur vie en tant qu'artiste, puis créateur, puis... Ben, franchement, je trouve pas que ce monde-là, il mérite leur argent. Ils sont assis en avant d'une table à longueur de journée, puis ils dessinent. Oui, je suis capable de faire ça sur ma table de cuisine, moi, là. Fait que je suis pas resté bien longtemps. Après ça, ils ont commencé à prendre des questions, puis c'était du monde, du public qui était très connaissant, j'imagine, parce que ils parlaient de certaines bandes dessinées, numéro je sais pas trop quoi, puis ils m'ont dit, en effet, ils m'ont perdu. Fait que je suis sorti de là, je me suis dit que je trouve perdre mon temps, puis anyway. C'était pas plus intéressant qu'il faut. Ils ont juste dit qu'ils savaient pas que c'est qui s'en venait dans le futur. Si tu y penses deux secondes, y'a personne qui sait ça. Fait que la réponse était pas mal évidente, Boswell. Anyway, pas besoin de faire une conférence là-dessus. La réponse est évidente, Boswell, y'a personne qui sait ce qui va arriver demain. Fait que j'en ai profité pendant que la conférence se fermait tranquillement à la porte en arrière de moi pour aller boire une petite gorgée d'eau. Puis quand je suis revenu, j'ai fait la file pour la conférence sur la rétrospective de dessin animé Reboot. Tu m'avais dit que tu voulais savoir ça. Ben, ils t'ont eu toute une surprise au Comic-Con parce qu'ils avaient booké une petite salle qui tenait peut-être 150 personnes. Ben, moi, te dire une affaire, on était 400 à faire la file pour aller voir cette conférence-là. Fait qu'ils ont été obligés de la déménager dans une autre salle. Puis encore là, l'autre salle, elle tenait à peu près 300 personnes. Fait qu'il y en a 60 de plus qui ont rentré. On était 360 dans la salle. Puis il y en a 40 qui se sont fait dire, gars, tu peux pas rentrer. Si jamais le feu pogne, tout le monde va crever dans cette pièce-là. Fait que je suis resté quand même un petit bout de temps. C'était bien intéressant. De toute façon, on pouvait pas sortir. Il y avait pas moyen de marcher. Il y avait du monde assis à terre partout. C'était bien le fun, en tout cas. Ils ont parlé de bien des affaires d'un dessin animé que je connaissais pas. Puis, c'est le genre de dessin animé qui est quand même un pionnier de ce qu'ils ont dit. Puis, en plus, c'est une production qui vient du Canada. Ben, fallait être fier de ça. Ça a l'air qu'on était les premiers à faire un dessin animé en 3D. Moi, je connais pas trop ça. À 3D, moi, j'en ai assez juste de 2D sur ma TV. Puis, encore mieux, j'aime mieux le radio. Ben, en tout cas, il y avait bien du monde là qui nous ont posé des questions. Puis, ils ont ri. C'était tordant. Point de vue contenu, ben, ils ont pas mal juste parlé de comment ce qu'ils faisaient les émissions dans ce temps-là, comment la technologie a progressé. Ça a l'air que les petits téléphones là, que tout le monde a, c'est plus fort que les ordinateurs qui ont fait les dessins animés avec dans le temps. Fait que, il faut croire que ça a évolué en Boswell. Fait qu'après ça, ben, une fois que ça s'est fini, il me restait une autre affaire. Tu voulais aller voir la version française de Big Bang Theory? C'était présenté par Brac TV. Faut aller faire un tour. Mais ben franchement, c'était tellement mal traduit que j'ai rien compris, même si c'était en français. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette traduction-là, parce que je sais que ça a l'air qu'il y a bien du monde dans la pièce qui ont dit qu'ils en avaient déjà entendu puis que le doublage était excellent. Mais ce qu'ils nous ont présenté là, c'était pas fort. Ben, j'imagine c'est de quoi qui ont été faites locales puis qu'ils se sont plantés. Aucune idée. Je veux pas le savoir, de toute façon, ça avait de l'air bizarre comme série TV. Moi, des affaires où c'est que le monde parle, puis ils jasent, puis ils disent des jokes. Puis à un moment donné, il y a du monde qui rit en arrière-plan. J'aime pas trop ça. Mais en tout cas, ça a l'air qu'il y a du public pour ça. Même à radio, hein? Ça fait que c'est pas mal ça pour le samedi. J'ai fait un petit tour après ça. Je suis retourné faire mon tour dans la salle de vente. Je me suis dit, m'a peut-être ramassé un petit souvenir ou deux, mais j'ai rien trouvé au départ. Fait que je me suis mieux promené, puis j'ai regardé les petites madames habillées en Wonder Woman encore une fois. Il y en avait 4-5. J'ai été surpris, par contre, cette journée-là, il y avait plus de madames déguisées en Catwoman qu'elle s'appelle, là. M'a dit en affaire, si jamais c'est quelqu'un que Batman est obligé de frapper, ça, moi, pas d'accord que Batman y fasse ça. Méchant beau morceau. Ah, t'es con. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, cette journée-là, ben j'en ai profité pour aller prendre une photo à côté de la Batmobile. C'est là que j'ai découvert c'était qui Batman. J'ai jamais vu ça, ces films-là, puis ça a l'air que, hey, j'ai manqué une icône de la culture. En tout cas. À côté de ça, il y avait une espèce de camion vert bizarre avec Scooby-Doo, puis un paquet d'autres bonhommes de dessins animés dessinés dessus. De ce que j'ai compris, c'est que c'est comme s'il avait pris le camion du dessin animé, puis il l'avait fait pour vrai. Moi, te dire une affaire, mon hun, me promènerait pas dans les rues de Montréal avec cette espèce de gros camion-là. Va t'attirer du trouble en Boswell. En tout cas, il y a du monde qui prenait des photos à côté, puis de ce que j'ai vu, il fallait payer pour les photos. Fait que je me suis contenté juste d'en prendre quelques-unes tout seul, bien discret. Puis j'ai pas payé parce que je voulais pas faire d'autres trous dans ton compte de dépenses. D'un autre côté, comme il y avait pas le salon réservé, ben, je me suis dit, je peux garder l'argent pour manger un petit bout de pizza. Ben, je suis retourné manger de la pizza. Puis là, et quand je suis revenu, ben, il était déjà 7h, puis ça finissait à 7h, ça a l'air de journée là. Ben, je suis retourné chez nous. Baby, I'm a rich man, Hazel R. Do you know who I am, Hazel R? Ooh. creature. Do you know who I am? Oh, baby! La journée de dimanche, ben ça, c'était une autre affaire. Ça a commencé aussi à 11h, mais de ce que j'ai vu dans l'horaire, ça finissait juste à 5h. Moi, te dire une affaire, mon jeune, ils en ont mis du contenu pour une petite journée de 5h. Fait que j'ai commencé avec la conférence de James Masters. Il a l'air que lui, il a joué un vampire dans une série qui tuait des vampires. J'ai pas trop compris de quoi il parlait, là. Mais ça a l'air qu'il s'appelait Spike. Puis c'est ça. Il a fait d'autres affaires aussi, comme une série qui s'appelle Caprica. Fait qu'il a pas mal parlé, en fait. Il a fait comme M. Baldwin. Il est arrivé, puis il a dit « Avez-vous des questions? » Puis il y a plein de monde qui se sont levés, puis ils sont allés poser des questions encore. Faudrait vraiment que la prochaine fois, tu me donnes une liste de questions que je puisse le faire moi ici. Je sais pas quoi te demander, moi. En tout cas, il y a plein de monde qui ont posé des questions sur Buffy, sur qu'est-ce qu'ils pensaient de... des expressions faniques, là, tu sais, le monde qui écrivent des romans puis qui prennent des personnages qui ne leur appartiennent pas puis qui font des affaires bizarres avec, là. J'ai bien aimé sa réponse, le bonhomme, ils ont demandé que ça te dérange. Est-ce que tu as déjà eu des fantaisies faniques impliquant ton personnage? Puis il a répondu que il lit pas parce que il a pas le contrôle sur ce qui arrive à son personnage là-dedans. Puis il a bien raison, dans le fond. La plupart du temps, c'est n'importe quoi qui se passe là-dedans. Fait que j'ai trouvé sa réponse bien bonne, puis il a été bien correct avec les gens qui aiment ça en lire, mais il leur a dit que lui, il approuve pas de ça, parce que justement, il a pas la chance de donner son interprétation à cette version-là de son personnage. C'est bien correct, ça. Après ça, il y a une petite madame avec des lunettes qui était bien cute à mon goût, là. Elle s'est levée puis elle a demandé une question sur une affaire qui s'appelle les dossiers Dresden. Ça a l'air que c'est lui qui lit tous les livres en version audio. Je savais pas ça, mon run. Ça a l'air qu'il y a des livres qu'on peut se faire lire à cette heure. C'est excellent, ça. Moi, j'aime ça, en tout cas. Au moins, pas besoin de lire, j'ai juste à me les faire écouter. Mais en tout cas, lui, ça a l'air qu'il lit cette série de livres-là. Puis, de ce que lui a dit, il venait juste d'enregistrer le prochain volume qui va sortir au mois de novembre. Sauf que... il l'a enregistré depuis le mois de juillet. Fait que lui, il connaît l'histoire, puis les fans, ils la connaissent pas. Fait qu'elle a essayé d'y poser une couple de questions, mais il a été assez wise pour répondre sans répondre. Fait qu'il a bien fait ça, John, il a bien fait ça. Après ça, il a parlé qu'il était un chanteur, lui, avec, mais contrairement à l'autre, il a pas sorti sa guitare pour commencer à répondre en chanson, là. Il a pris ça au sérieux, lui. Il a expliqué c'était quand ses concerts, puis c'est quoi le genre de chanson qu'il fait. Ça a l'air bien, bien bon. Ça a l'air de pas être des affaires que moi je connais, là. C'est pas de la bonne chanson. Mais c'est quand même quelque chose que le monde apprécie, de ce qu'il faut que je comprenne. Fait qu'après ça, tu m'avais demandé d'aller faire un tour au prix de la mascarade. Comme je suis pas allé au défilé, ben je me suis dit, j'ai pas d'affaire à aller voir qui c'est qui avait gagné le défilé. Fait que je suis pas allé, puis je t'ai mangé un autre bout de pizza, puis j'avais faim, puis je savais pas quoi faire d'autre. Après ça, à 1h, ben, il y avait une espèce de... il y avait encore une autre conférence avec le gars qui avait rempli la salle de 400 quelques personnes pour reboot, là. Mais là, ce coup-là, il parlait de l'animation en 3D au travers des années. Je suis pas allé, mon jeune. Il avait pas mal parlé de ça la veille à l'autre panel. Ça me tentait pas d'être dans une salle encore trop remplie puis être pogné encore à marcher sur le monde pour sortir parce qu'il faut aller aux toilettes. Ben, j'ai décidé de laisser faire puis je suis allé me reprendre dans la salle de vente. Ben, il avait rien de plus cette journée-là, sauf que tout le monde qui avait gagné des costumes pis des prix à la mascarade, ben là, il était rendu là pis il se promenait tout pis il prenait toutes des photos à tous les deux pas. Ben, moi, dire une affaire, marcher dans la salle de vente cette journée-là, c'était pas évident parce que t'étais tout pogné en arrière d'un troupeau qui suivait quelqu'un qui était déguisé. À 2h, ben, il y avait la conférence des Ghostbusters de Montréal, fait que, comme m'avait bien impressionné le vendredi, j'en ai profité pour aller voir de quoi qu'il parlait. Ah, ils m'ont rassuré un peu de ce que j'ai compris. Il y en a pas pour de vrai des fantômes. Ils font semblant qu'ils pognent. Puis d'après ça, ils ont expliqué que pourquoi ils font ça, c'est pour faire des levées de fonds. Eux autres travaillent avec rêve d'enfant. Puis ça a l'air d'un phénomène international. Il y a des... Tous les pays ont une bannière de Ghostbusters à cette heure. Fait qu'il y a toujours possibilité de devenir un Ghostbuster. Faut se faire un suit. Faut se faire un déguisement au complet. Faut faire toute l'espèce de gros attirail qu'ils ont sur le dos. Ils ont expliqué comment faire un, mais moi te dire une affaire, mon hun. Ça coûte à peu près 2 000$ faire quelque chose qui a de l'allure. Fait que c'est à y penser, hein? Faut vraiment vouloir. Après ça, tu m'avais dit qu'il fallait que j'aille faire un petit tour à la conférence du monsieur qui s'appelle John Delancey. Écoute, mon run, sa conférence, je l'ai pas trouvé où ce qu'elle était. Il était bien caché. Ou il était en même temps que les Ghostbusters parce qu'ils ont défoncé, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux pas plus y aller. Puis d'un autre côté, bon, j'avais encore faim, puis je me disais, ça arrive bientôt. Fait que je vais manger un autre point de pizza. Quoi, si tu veux m'amener, je me souhaite de la pizza, puis j'en mange pas souvent. Fait que je les mange en masse. Fait qu'après ça, ben, j'en ai profité, j'ai été faire une petite marche pour digérer. Puis j'ai fini par aller à 3h30 à la conférence de Sir Patrick Stewart, le fameux capitaine Jean-Luc Picard que tu cherchais à la radio. Puis bon, ben finalement, c'était spécial parce que quand on est arrivé là, moi, je suis assis dans la rangée VIP, puis hey, j'étais direct en avant du stage. Moi, te dire une affaire, c'était le fun de le voir là. Sauf qu'il y avait 3 sièges sur le stage quand je suis arrivé. Fait que là, il y a plein de monde qui disait « Ah, oh, peut-être que William Shatner y est resté, puis il va avoir John Delancey, puis Malcolm McDowell, puis tout ça. » Moi, je connais pas. Mais j'ai rien dit, puis je me suis dit « D'après moi, c'est une joke. Ils font juste vous faire parler. » Ben, finalement, ça n'a pas été le cas. Monsieur Patrick Stewart est arrivé, mais il était avec son fils aussi. Daniel Stewart, pense qu'il s'appelle. En tout cas, je trouvais pas qu'il ressemblait trop. Patrick Stewart, il est tout petit. Son gars, il est trop grand. Puis il y avait un animateur de radio en... Oh, de radio ou de TV. Oh non, c'était un animateur de TV. Puis je le connais pas, CFCF 12. Il parlait en anglais. J'ai rien compris de cette affaire. Il avait pas de l'air trop important. De toute façon, au moins, un maître de cérémonie qui arrive sur le stage en jeans et en running shoe. Je veux pas trouver ça trop beau. En tout cas. Fait que M. Patrick Stewart, il a parlé un petit peu. Il a expliqué pourquoi son fils était là, que les deux voyagent souvent ensemble, ils font des conférences ensemble parce que ça lui permet de passer du temps ensemble. Fait que c'est parfait, il en profite. Après ça, il y a du monde qui ont posé des questions. M. Patrick Stewart a répondu. Il a laissé son fils répondre quand les questions étaient drôles ou loufoques. Fait que lui, il répondait juste quand c'était des questions sérieuses. Puis quand c'était pour rire du monde, il laissait son fils répondre parce que son fils, bon, ça a l'air qu'il a un meilleur sens de l'humour. Moi, j'ai trouvé que M. Stewart était bien plus drôle, mais coudon, ça a l'air que c'est même que ça marche. Après ça, ils ont rasé un petit peu des projets qu'ils faisaient présentement. De ce que j'ai compris, il fera pas rien d'autre que rapport à Star Trek, sauf que, bon, il a décidé que, malgré le fait qu'il a dit que Star Trek c'était pas mal mort, ben, il souhaite bonne chance quand même aux autres qui vont continuer. Puis, il est bien content d'avoir vu c'est quoi que ça a fait comme nouveau film. Ils encouragent à continuer comme ça parce que c'est le meilleur moyen de garder la série en vie. Puis ça a l'air que de ce qu'il a révélé, c'est qu'ils ont filmé 2 films dos à dos, le nouvel équipage là, de Star Trek. Fait que j'imagine qu'ils vont nous sortir ça là, comme les Seigneurs des Anneaux, que ça sera plus interminable, là, qu'on va être au cinéma pendant 4 heures à se demander quand est-ce qu'on va pouvoir aller aux toilettes. Ça fait qu'après ça, il a parlé que ça se pourrait très bien qu'il fasse encore le professeur Xavier dans un film des X-Men. Moi, j'ai pas trop compris, mais ça avait l'air bien important, puis il y avait du monde qui se sont levés de bout puis qui ont crié « Ouais! » J'imagine que c'était quelque chose qui était une bonne nouvelle. Moi, je sais pas trop c'est quoi les X-Men, mais ça a l'air qu'il va refaire le même rôle, fait que tant mieux. Puis après ça, ben c'est lui pas mal qui finissait la convention, fait que il en a profité de faire un rang de cérémonie de fermeture. Il y a quelqu'un qui a demandé d'expliquer c'était comment de devenir un chevalier de l'ordre britannique. Il nous a expliqué un petit peu c'était quoi la cérémonie, qu'est-ce que ça voulait dire, puis comment ça l'avait impressionné que la reine était capable de faire apparaître une épée dans sa main sans qu'il ait vu d'où c'est qu'elle sortait. Puis de la manière qu'elle passe ça, il a passé ça à peu près à 1 pouce du bout de dîner. Fait qu'il a eu quand même assez peur qu'elle manque son coup pis qu'elle fasse une petite barre dans le front. Il y avait de l'air bien correct. Fait que c'est à croire que ça s'est bien passé. Fait que c'est pas mal ça, mon run. J'ai fait le tour de ce qui s'est passé au Comic Con. J'espère que le petit bidule que tu m'as donné pour enregistrer a tout enregistré ça parce que. Ben franchement, j'ai un salive pas mal fatigué là, pis je manque d'air. Fait que. M'en aller manger un autre petit bout de pizza, puis je m'en reviens. Salut! Les éditions de l'avenir vous ont présenté Pépère au Comic-Con, avec Gabriel Jean dans les rôles de Pépère et de l'annonceur. Le texte appartient à l'interprète et les personnages appartiennent à l'auteur. Le tout est protégé par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution Non-Commercial, No Derivatives, et est une production 2012 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.